FG. Je vis hip-hop de rue tous les jours, pas besoin que mes rimes font. Trop de MC te font monter au plafond, y'a pas moyen de faire le bouffon. Le con, j'essaye de faire tapine et mes textes, ça sème, ça pose un problème à ce putain de système. Je crache les mesures, fini mon couplet pour mon futur. Entrer dans une nouvelle aventure, Gadi Mamadi. Sur le mic, tout le monde le sait, ça c'est haki. En conquête dans les mics, parti avec toute la funky 91. Avec le rat Luciano dans le maquis 96. Sorti de l'homme, c'est bad boy junkie. Pas besoin que mes rimes te fassent, faut d'abord que mon son passe, que vienne la reconnaissance. Peut-être que là mes rimes te feront. J'ai bien dit te feront, pour ça nous verrons. Le temps est loin où je pourrais prétendre être le patron. Respecte ceux qui font du bon son. Laisse parler ceux qui soi-disant font FF. La rage des mauvais garçons.